le temps est compté. Ne brisons pas nos cœurs, pas le temps de faire les lovers. Dis-moi ce que tu veux vite, dessine-toi, dessine-moi, dessine-moi. Je suis de toutes les couleurs. Le temps est compté. Ne brisons pas nos cœurs, pas le temps de faire les lovers. Dis-moi ce que tu veux vite, dessine-toi, dessine-moi, dessine-moi. Je suis de toutes les couleurs. L'orage est fini, tu me souris, tu sais que je ne suis plus très loin. Bébé, je t'amène un souvenir de l'infini. Ton arc-en-ciel est en chemin, je ne serai pas là longtemps. Juste après la pluie, le temps d'un rayon de soleil, profitons-en. Je ne prendrai ni ton temps, ni ton cœur, ni toutes nos ailes. Je ne serai pas longtemps, non. Juste après la pluie, le temps d'un rayon de soleil, profitons-en. Profitons-en. On va limiter la casse, pas de réparation. Aucune attache, pas de séparation. On s'est connu, on s'est promu sur une application. Je partirai comme je suis venu, sans une explication. S'ouvrir de l'amour n'est pas une obligation. Tu en feras une mieux, tu es si joli garçon. Tu fais couleur à mon art, t'es loin d'imagination. Pour ce monde j'ai trop de défauts, de fabrication. L'orage est fini, tu me souris, tu sais que je ne suis plus très loin. Baby, je t'amène un souvenir de l'infini. Ton arc-en-ciel est en chemin, je ne serai pas là longtemps. Non, juste après la pluie, ton rayon de soleil, profitons-en. Je ne prendrai ni ton temps, ni ton cœur, ni ton oseille. Je ne serai pas là longtemps. Non, juste après la pluie, le temps d'un rayon de soleil, profitons-en. Profitons-en.